sur le vif. Écoutez. Allô, le 25 34 72. Oui. L'écoulement de mon évier fuit. Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un tout de suite? Aujourd'hui, ce sera difficile. Il est probable qu'à cette heure-là, tous mes ouvriers soient déjà partis. Demain matin. Sans faute? Oui, vous pouvez y compter. Répétez. Allô, le 25 34 72. Oui. L'écoulement de mon évier fuit. Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un tout de suite? Aujourd'hui, ce sera difficile. Il est probable qu'à cette heure-là, tous mes ouvriers soient déjà partis. Demain matin. Sans faute. Oui, vous pouvez y compter. Écoutez. Je voudrais mettre un éclairage dans mon jardin. Pourriez-vous venir voir et me faire un devis? Oui, bien sûr. Samedi matin à 10h, ça vous va? Oui. Il est bien entendu que c'est sans engagement de ma part. Naturellement, ça va de soi. Hein? Répétez. Je voudrais mettre un éclairage dans mon jardin. Pourriez-vous venir voir et me faire un devis? Oui, bien sûr. Samedi matin à 10h, ça vous va? Oui, il est bien entendu que c'est sans engagement de ma part. Naturellement, ça va de soi. Hein? Écoutez. Tu as vu la note du maçon? Elle est plutôt salée. 2350 francs, c'est dingue. Tu sais, c'était couru d'avance. Maintenant, à ce qu'il paraît, une heure d'ouvrier revient à plus de 100 francs. Peut-être, mais je trouve quand même qu'il y a de l'abus. Répétez. Tu as vu la note du maçon? Elle est plutôt salée. 2350 francs, c'est dingue. Tu sais, c'était couru d'avance. Maintenant, à ce qu'il paraît, une heure d'ouvrier revient à plus de 100 francs. Peut-être, mais je trouve quand même qu'il y a de l'abus.